Bienvenue sur Podcast Math. Et oui, ça y est, Alan s'est rangé à notre avis, les sciences c'est mignon, ça amuse les enfants, mais bon, il s'agit d'un podcast sérieux qui traite de vrais sujets, de trous par exemple. Vous êtes donc dans Podcast Science épisode 179 et nous sommes le 109 juin 2004, bienvenue. Bonjour tout le monde. Alors autour de notre table virtuelle ce soir, nous avons Alan depuis Lausanne. Bonjour Alan. Salut Tube, bonjour tout le monde. Je précise que Julie est en vacances et que du coup on a un conducteur vide. Une organisation dictatoriale oblige. On va voir comment tu t'en sors, ça va être de l'impro total. Je m'en sors très bien, on a Robin depuis Paris. Salut qui a quand même essayé d'écrire une intro que tu as complètement reprise au lieu d'en réécrire une. J'ai repris pour mettre tous les nombres en Suisse. Ça a dû faire plaisir à Alan. Ouais, ça m'a beaucoup touché, bravo. C'est un bel effort. On a Irène depuis Santa Barbara, en Floride. Oui, bonsoir tout le monde. Mais non. Enfin, j'ai pas déménagé, hein. Je suis encore en Californie. Bonjour Irène, donc. Et l'invité de ce soir, je crois que j'ai oublié personne, du coup, c'est notre cher Topologigi qui vient nous parler de topologie. Bonjour. Bonsoir. Gigi. Bonsoir. Voilà, au sommaire de l'émission de ce soir, bah, du coup, le dossier d'Algigi et puis rien d'autre. Ah, si, quelques plugs quand même. Au moins un plug et même deux plugs parce qu'il y a un peu une émission spéciale la semaine prochaine. Et puis on conclura et puis on sera heureux, on saura ce qu'est la topologie. Bah, du coup, Algigi, c'est à toi. Alors, donc je vais vous parler de topologie. Alors, une petite remarque quand même avant de commencer. Donc, il y a des milliers de choses passionnantes hein, qu'on pourrait raconter sur la topologie. Et ce soir, je vais n'en aborder qu'une infime partie. Alors, en particulier, je ne parlerai pas trop de géométrie, donc, c'est-à-dire tout ce qui est géométrie hyperbolique, des choses comme ça. Je parlerai très voire non, pas du tout en fait d'équations, puisqu'on est là pour faire des maths, pas pour faire des équations, pour faire plaisir à Alan. Donc je parlerai pas de théorie du genre, entre autres. Et je vais pas parler non plus de combinatoire, c'est-à-dire que je ne parlerai pas de théorie des tresses ou de théorie des nœuds, même si ça ferait pas mal plaisir à Robin, qui aime bien nous parler de ses nœuds. Donc du coup, je vais plutôt parler en fait de ce qui m'intéressait quand j'ai commencé à étudier la topologie, c'est-à-dire le côté pâte à modeler du domaine. Donc la topologie. C'est-à-dire quand tu avais 8 ans, c'est ça? Non, c'est-à-dire quand j'étais en première année de master à peu près, quand les profs nous ont fait découvrir ça et que j'ai dû choisir une voie. Donc du coup, la topologie, qu'est-ce que c'est? En fait, la topologie, c'est comme de la géométrie, mais en enlevant tout ce qui est compliqué dans géométrie, tout ce qui sert à rien, tout le superflu. Donc par exemple, si on prend un carré, tout le monde voit ce que c'est, hein, c'est un polygone qui possède 4 angles droits, 4 côtés de même longueur, 2 à 2 parallèles. Donc quand un topologue regarde un carré, il voit pas du tout ça. Ce qu'il voit en fait, c'est autre chose, puisque la notion de longueur, la notion d'angle, les notions de parallélisme, tout ça, ce sont des notions qui sont géométriques. Donc si on prend un carré et qu'on enlève toutes ces notions-là, ce qui va rester juste, c'est un trait qui, quand on le suit, finit par revenir à son point de départ. Donc qu'il y ait ou pas des virages, il s'en moque, le topologiste, c'est pas son problème. Du coup, cette définition topologique du carré fonctionne pour d'autres figures, le rectangle, le triangle, le cercle, etc. Autrement dit, en topologie, on peut d'une certaine façon considérer qu'un carré ou qu'un cercle sont un seul et même objet. Enfin, on dira plutôt que ces deux objets géométriques sont topologiquement équivalents, ou si on veut être un peu plus mathématique, on dira qu'ils sont homéomorphes. Alors, je vais essayer d'éviter d'utiliser ce vocabulaire-là dans le dossier, mais je pourrais le dire par inadvertance. Par exemple, si je dis deux espaces topologiques sont homéomorphes, en fait, ça veut juste dire que les deux trucs qu'on est en train de regarder, ils ont la même forme. Donc ça, c'est ça, faire de la topologie, en fait, c'est regarder des figures, mais enlever tout le côté géométrique. En fait, par rapport à ce que tu disais, pour histoire de ne pas perdre tout le monde dès le début, homéomorphe, donc ça veut dire on peut passer de l'un à l'autre en jouant avec la pâte à modeler, quoi. Voilà, je vais en parler tout de suite. Donc homéomorphe, okay, en fait, ça veut dire avoir la même forme, tout bêtement. Donc par exemple, on va commencer par quelque chose que tout le monde connaît, j'espère. Donc c'est-à-dire des espaces topologiques que tout le monde connaît, les lettres de l'alphabet. Tout le monde connaît les lettres de l'alphabet, normalement, ici. Et on va essayer de trier les lettres de l'alphabet, mais par rapport à leur topologie. Donc pour que tout le monde soit d'accord, on va prendre les lettres majuscules et on va les prendre dans la police Arial. Puisque suivant la police dans laquelle on prend les lettres, on ne va pas forcément avoir les mêmes topologies. Donc on va commencer par exemple avec la lettre J et la lettre M. Donc quand on regarde ces lettres, géométriquement, c'est pas du tout la même chose. D'un côté, on a un J qui est courbé, de l'autre côté, on a un M qui est anguleux, c'est pas la même chose. Mais du point de vue topologique, on va pouvoir voir en fait que c'est la même chose. Donc pour en être sûr, en fait, il faut essayer de voir, pour montrer que le J et le M sont homéomorphes, qu'elles ont la même forme, il faut essayer de voir si on peut passer de l'un à l'autre, mais si on peut passer de l'un à l'autre, du coup, par déformation, sans déchirure. Et ça, eh bien, on peut le faire. Donc, par exemple, on prend la lettre J, on la redresse, donc ça nous donne la lettre I, puis ensuite, on la plie et on obtient alors un M. Donc, ça fonctionne dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que si je prends mon M, que je l'aplatis, j'obtiens un I, si je le courbe, j'obtiens un J. Donc, mon opération de déformation, elle marche dans les deux sens, donc ça, c'est ce qu'on va appeler un homéomorphisme. Et on peut voir en fait que, du coup, la lettre J ou la lettre M, elles sont toutes les deux homéomorphes. Et on pourrait s'amuser à regarder dans l'alphabet quelles sont les autres lettres qui sont homéomorphes au J et au M, qui ont la même forme que le J et le M. Il y a par exemple le C, le G, le I, le L, le N, le S, le U, le V, le W et le Z. Alors maintenant, si on prend, au lieu de prendre le M et le J, si on prend le I et le O, est-ce qu'il y a un moyen de déformer la lettre I de façon à obtenir la lettre O ? Alors, encore une fois, la réponse ici, c'est oui, puisque si je prends mon I et que je le replie sur lui-même, j'obtiens un O. Par contre, cette opération, elle fonctionne que dans un seul sens. Une fois que j'ai obtenu un O, je peux pas déplier mon O pour avoir un I sans avoir à le déchirer. Du coup, l'opération qui transforme le I et le O, elle va que dans un seul sens et elle ne va pas dans l'autre. Du coup, on peut pas appeler ça un homéomorphisme et du coup, on peut dire que le I et le O, c'est pas la même chose. La lettre I, la lettre O, vraiment n'ont pas la même forme. Alors ça, comme on fait des mathématiques, on va quand même essayer de le démontrer. Il y a une façon assez simple de démontrer, c'est de regarder ce qui va se passer quand on le découpe. Donc si je prends ma lettre I et que je la coupe en deux, j'obtiens du coup deux morceaux. Par contre, si je prends mon O et que je le coupe, je vais obtenir encore un morceau qui va être d'un seul tenant. Si les deux lettres avaient la même forme, leur version découpée aussi devrait avoir la même forme, ce qui n'est pas le cas. Du coup, la lettre I et la lettre O ont deux formes différentes, donc ne sont pas homéomorphes. Alors, à votre avis, quelle est la seule autre lettre de l'alphabet qui a la même forme que le O ? Je pose la question à ceux qui écoutent. On écoute tous, mais on fait semblant de regarder par terre, là. Non, parce que vous... Allez, vas-y, Alan, lance-toi. Non, moi, je regarde mes pieds. moi, j'aurais dit le A. Alors, le A, non, parce que le A, il a deux pattes. Le A, c'est une boucle, mais il y a aussi deux pattes. Donc du coup, ça fonctionne pas. Bon, heureusement, alors, on a la chatroom. Il y a Citron Vert qui propose le D majuscule. Le grand D. Le grand D, oui. Effectivement, c'est le D, puisque le D, c'est juste une version un petit peu aplatie du O. Par contre, Billy propose la lettre Q qui ne fonctionne forcément pas, parce qu'il y a une patte aussi sur la lettre Q. Donc ça ne marche pas. Et c'est quoi le problème avec la patte ? J'ai pas compris. Ben, en fait, la lettre O, c'est juste une boucle, alors que la lettre Q, c'est une boucle plus une patte. Ouais, et puis bon. Du coup, elles n'ont pas la même forme. Si j'aplatis le Q de manière à obtenir un O, c'est une opération qui va dans un sens, mais qui ne va pas dans l'autre. Du coup, on ne peut pas dire que ça a la même forme. D'accord. Bah, je pense qu'il y a une histoire de police aussi, en fait, où je visualise peut-être pas la même forme de lettre. Mais ok, ouais, c'est clair. Désolé. Alors du coup, on peut montrer en fait que dans l'alphabet, il n'y a que 9 lettres qui sont vraiment différentes. Donc il y a les lettres comme le I ou le L, c'est-à-dire juste un trait. Il y a les lettres comme le D et le O qui sont juste une boucle. Et après, on peut voir une boucle plus un certain nombre de pattes. Donc par exemple, le A, c'est une boucle avec deux pattes. Le P, c'est une boucle avec une patte, etc. Donc comme ça, on peut voir qu'il y a 9 classes différentes dans la police Arial. Dans d'autres polices, on peut voir qu'il n'y en a que 8, par exemple. Alors, comme c'est très intéressant hein, de voir qu'il n'y a que 9 lettres différentes, on peut essayer de voir quel est le mot le plus long de la langue française qui ne contient que des lettres qui sont toutes homéomorphes. Donc j'ai fait une petite recherche et j'ai vu qu'il y a 3 mots. Il y a guili-guili au pluriel, il y a unil-nilium et il y a cunilingus. Donc vous en faites ce que vous voulez. Ok. Ça va plaire. Ça va plaire à certaines auditrices. Vu le contexte de ce qu'ils disent dans la chatroom, ça tombe très bien. On a Billy qui nous parle de cul, évidemment. Ça tombe bien, c'est vrai. Alors, une autre question. Est-ce qu'on peut parler d'homéomorphisme entre la lettre O, donc la lettre O quand on l'a écrit sur une feuille de papier, c'est-à-dire sur un espace qui est plat, et la forme d'un élastique qui est dans l'espace, c'est-à-dire un O mais en 3 dimensions. Donc à votre avis, est-ce qu'on peut dire que un O qui est sur une feuille et un O qui est dans l'espace, ça a la même forme ? Vas-y, répète la question là, c'était quoi ? Est-ce que un O, quand il est dessiné sur une feuille, ça a la même forme qu'un O qui est dans l'espace, la forme d'un élastique ? Moi je dirais que oui. Oui, après... Ou c'est peut-être un genre de donut dans l'espace, c'est ça ? Non, on regarde la même chose. Tu fais exploser notre cerveau en imaginant comme ça que le mec de Flatland qui découvre qu'il y a une dimension supérieure, quoi. Ça me paraît assez différent. Ben non, si c'est toujours un cercle. Ouais. Effectivement, en fait, si on parle juste d'un cercle, que le cercle soit dans un espace à 2 dimensions ou que le cercle soit dans un espace à 3 dimensions, c'est la même chose, ça reste un cercle. Donc du coup, on peut dire que oui, le O ou l'élastique ont la même forme. Parce qu'en fait, quand on parle de forme, quand on parle d'espace topologique, on s'en fiche de l'espace qu'il contient. Donc on peut parler du O sur un espace à plat à 2D, on peut le voir en 3 dimensions, on peut le voir aussi dans un espace à 4 dimensions ou à une seule dimension si ça nous amuse, ça restera toujours un O. Du coup, ça entraîne un paradoxe, c'est est-ce que un élastique dénoué, il a la même forme qu'un élastique qui est noué, à votre avis ? Ouais, mais alors moi je connais déjà le film. Attends, c'est quoi l'élastique noué ? Est-ce qu'on peut dire qu'un élastique qui est noué, il a la même forme qu'un élastique qui est dénoué ? Mais noué en quel sens ? Attends, j'ai pas compris. Noué et dénoué, ça veut dire quoi dans ce cas-là ? Si on prend la forme du nœud de trèfle, tapez sur Google l'image pour voir ce que c'est qu'un nœud de trèfle. Tu prends l'élastique, noué, tu prends l'élastique, tu le laisses dans ta poche pendant 3 semaines et tu le ressors. Non, mais parce non, que parce l'état que dans lequel il est équivalent non, à l'état quand tu venais de l'avoir tout si dénoué, peux, quoi, si sans nœud. C'est replié sur lui-même alors, qui fait des nœuds. Pas que replié sur lui-même, avec mais éventuellement qui fait des nœuds, parce que tu sais qu'il y a des dans ta poche, il se passe des choses quantiques. Il peut pas y avoir des nœuds si tu le laisses dans ta poche. Tu rigoles, t'as déjà vu des écouteurs ? Ouais, ben non. C'est pas un élastique. Eh ben ouais, c'est pas un cercle, un écouteur. Voilà. Mais disons, je pense, enfin, j'imagine, hein, tu m'arrêtes, Edgy, si je me trompe, mais que tu parles de... On fait un nœud et on recolle les deux bouts, quoi. Oui, donc en fait, on prend un fil, on le laisse dans sa poche pendant plusieurs semaines, après, on le recolle de manière à obtenir un élastique, enfin, un cercle fermé, une boucle fermée, voilà. Donc du coup, est-ce qu'on peut dire que la forme dénouée et la forme nouée, est-ce qu'on peut dire qu'elles ont la même forme ? Bah ouais quoi. Parce qu'en fait, si on reprend la définition de base qui est que on peut déformer l'objet de manière à transformer l'un en l'autre, il n'y a pas de moyen en fait de déformer un nœud qui est noué en un nœud qui est dénoué. Si le nœud est fait de suivant certaines façons. Donc si on prend l'exemple du nœud de trèfle, si on prend l'exemple du nœud de trèfle, il n'y a pas moyen de dénouer un nœud de trèfle de manière à obtenir un cercle de base. Sauf que si on fait ces considérations-là, c'est des considérations géométriques dans un espace de 3 dimensions qui est le nôtre. Par contre, si on passe dans un espace à 4 dimensions, pourquoi pas, eh bien on pourrait dénouer ce nœud. Ce qui fait qu'en fait, tout le sujet de la topologie des nœuds, c'est-à-dire à savoir si un nœud fermé peut ou non être dénoué en un autre, c'est pas un sujet qui est de la topologie, puisqu'en fait, n'importe quel nœud est égal à n'importe quel autre. Quand on parle de théorie des nœuds, en fait, c'est pas que de la topologie, il y a aussi de la combinatoire, il y a aussi de la géométrie, puisque c'est pas quelque chose qui est juste topologique. Donc ça, c'est un dossier que je pense que Robin se fera plaisir de faire un jour ou l'autre. J'aimerais beaucoup faire, mais les nœuds, c'est pas spécialement radiophonique. Enfin voilà, donc tout ce qui est, en fait, toute la théorie des nœuds, c'est un sujet de topologie, mais pas que. Et du coup, si on regarde juste ça d'un œil de topologiste, c'est totalement inintéressant comme sujet. Si on regarde juste d'un point de vue topologie, si on ajoute d'autres notions, c'est plus intéressant. Bref. Donc du coup, maintenant qu'on a parlé un petit peu d'objets en dimension 1, on va augmenter en niveau et on va passer à la deuxième dimension. Et du coup, je vais poser une question en lançant un pavé dans la mare. Hein. J'ose poser cette question, quelle est la forme de la surface de la Terre ? Alors certains diront que la Terre est ronde, d'autres diront plutôt que la Terre est ronde, n'est pas ronde mais aplatie au niveau des pôles. Bon, puisque on raisonne topologiquement, c'est la même chose. Il y a des petits malins qui diront que la Terre n'est pas ronde, mais qu'elle est sphérique, ou comme on dit sur Énergie 12, que c'est un cercle dessiné en volume. Certaines autorités religieuses clameront que la Terre est plate et que quiconque prétend le contraire mérite un châtiment. Quand tu parles d'autorité religieuse, c'est plus Énergie 12. Non, là, c'est des vraies personnes sur la Terre qui disent que la Terre est plate et que si on dit le contraire, on mérite un châtiment. Donc, je pense que je vais risquer l'enfer pour mon sujet de ce soir, mais tant pis. Ils disent encore ça, c'est maintenant, encore maintenant, c'est d'actualité, ça ? Tout à fait, oui. J'ai fait quelques recherches et effectivement, oui. Ah ouais, bah, dis donc. Donc, en fait, si on veut savoir quelle est la forme de la Terre, avant de pouvoir faire ça, il faut déjà essayer de voir quelle peut être la forme de la Terre. Donc, je vais évoquer tout le bestiaire des différentes surfaces qui peuvent être la forme de la Terre, le disque, le plan, le cylindre, le tore, la sphère, le ruban de Möbius, bouteille de Klein, plan projectif. Donc on va passer en revue tous ces objets-là, et puis à la fin on va essayer de décider quelle est la forme de la Terre parmi toutes celles-là. Avant de parler de la forme de la Terre, on va s'interroger sur la forme d'autres mondes qui existent. Et quand je dis d'autres mondes, je vais parler en fait essentiellement des différents mondes des jeux vidéo. Donc si on prend, premier exemple, le premier niveau de Super Mario Bros., on peut se poser la question, quelle est la topologie de ce monde ? Donc, premier point, c'est un monde qui possède deux dimensions, puisqu'on peut se déplacer à droite et à gauche, ce qui donne un premier axe de mouvement, on peut sauter et retomber, ça donne un deuxième axe possible. Comme il est impossible d'interagir avec la profondeur, on est limité à deux dimensions. Donc, mathématiquement, c'est un espace à deux dimensions, c'est-à-dire que on peut y poser un repère de manière à voir des axes qui permettent de trouver les coordonnées d'un point avec deux coordonnées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un espace en deux dimensions. Alors, deuxième chose dans l'espace dans lequel évolue Mario, c'est que il y a un bord. On est limité à droite et à gauche par des murs invisibles, on est limité en bas par un sol, on est limité en haut par rien du tout, mais on va dire qu'on est limité en haut, par la gravité essentiellement. Donc en fait, le monde de Super Mario, c'est un monde qui est limité. C'est-à-dire que on peut pas s'éloigner aussi loin qu'on veut du point de départ. On est toujours limité par quelque chose. Donc, un espace comme ça, où on est limité, on va appeler ça un espace qui est compact. Donc, du coup, si je résume, le monde de Super Mario Bros, c'est un espace à deux dimensions qui est compact et qui possède un bord. Donc là, tu ne tiens pas compte, bien sûr, des Warp Zones et de l'Infinite Mario Bros qui existe maintenant. Exactement, oui, je ne tiens pas compte des warp zones parce que sinon on va commencer à ajouter des ans au problème. On va rester simple pour l'instant. Donc du coup, en fait, on peut l'assimiler à un carré. Et comme on a dit au début, un carré c'est un disque. Donc le premier monde de Super Mario Bros, c'est un disque. Que tout le monde soit d'accord avec ça. Moi je trouve ça fantastique. Un carré c'est un disque, c'est vraiment... Ouais, ça révolutionne ma vie en fait. Mais je comprends, je suis. Alors on va compliquer un petit peu. Et je vais parler maintenant du monde de Mario Bros sur arcade, hein, de 1983. Alors pour ceux qui connaissent pas le jeu, donc on incarne Mario et Luigi dans un espace qui fait la taille de l'écran. Le but du jeu, c'est tuer les ennemis pour gagner des points, passer au niveau suivant, etc. Alors encore une fois, c'est un jeu qui est en deux dimensions. On peut aller en haut et en bas, on peut aller à gauche et à droite. Alors la particularité de ce jeu, c'est que quand on quitte la scène du côté gauche, on réapparaît du côté droit. Et quand on quitte l'espace du côté droit, on y réapparaît du côté gauche. Donc du coup, en fait, tout ce qui sort d'un côté de l'écran réapparaît de l'autre, et inversement, donc il n'y a pas vraiment de bord à l'écran, du côté droit et gauche. Il n'y a pas de bord du côté droit et gauche. Par contre, on peut dire que le sol est un bord, et on peut dire que le plafond est un bord. Donc du coup, l'espace de ce jeu, il a deux bords, un en haut, un en bas, mais il n'en a pas à droite ni à gauche. Du coup, en fait... Topologiquement, on peut dire que Mario et Luigi, ils évoluent dans un espace qui est un cylindre, ou l'espace d'un ruban, ou Pour faire plaisir à Nico sur un rouleau de papier toilette. Pourquoi ? Pour faire plaisir à Nico ? Parce qu'il aime bien dès que je parle de papier toilette, Nico. Ah oui, c'est vrai dans ton blog. Désolé. C'est vrai, on a des témoignages. Le problème avec lui, c'est que quand on lui fait ce genre de blague, il comprend jamais, il se souvient jamais de rien. Donc du coup, pour bien comprendre ça, en fait, faut imaginer que notre écran, c'est une feuille de papier. On a dit que si on sort à droite, on réapparaît à gauche, si on sort à gauche, on réapparaît à droite. Donc du coup, sur notre feuille de papier, on prend de la colle, une colle de mathématicien qui permet de souder les espaces topologiques, et on replie notre feuille de manière à superposer le côté droit et le côté gauche, et du coup, on obtient effectivement un cylindre ou un tuyau. Donc en fait, on peut dire que le monde, ça a la même forme qu'un tuyau. Du coup, on avait dit au début qu'il y avait un bord en haut et en bas. Le bord qui est en bas, ça va correspondre à un des côtés du tuyau, du cylindre, et l'autre, le plafond va correspondre à l'autre bout du cylindre. Donc du coup, en fait, l'espace dans lequel vit Mario, c'est un cylindre, même si pour lui, le monde est totalement plat, il n'a pas l'impression de vivre sur un cylindre. Donc en fait, si on regarde le monde depuis un espace à trois dimensions, on voit un cylindre, mais pourtant l'espace est complet et parfaitement plat, l'un n'empêche pas l'autre. Donc pour résumer, le monde de Mario Bros, c'est un espace à deux dimensions, qui est compact, qui possède deux bords, et on peut dire, suivant la façon dont on le regarde, que c'est soit un carré où deux côtés opposés sont identifiés, on peut dire que c'est, ou alors on peut dire que c'est un cylindre ou un ruban. Alors j'ai vu passer là dans le chat à propos de Pac-Man, parce que souvent en fait quand on parle des espaces qui ont la forme d'un cylindre, on utilise souvent le Pac-Man. Alors je suis un peu gêné par cette représentation, puisqu'en fait Pac-Man, il vit dans un monde qui n'a qu'une seule dimension, puisqu'il peut aller soit devant lui, soit derrière lui. Il y a juste certains moments où on a des embranchements, mais ça reste juste des points particuliers. Et globalement, en fait, Pac-Man, il vit que dans un monde à une seule dimension. Donc on peut pas vraiment dire qu'il est dans un cylindre. T'es en train de tuer nos rêves, là. T'es dur. Non, mais souvent, quand on parle de topologie, on utilise toujours Pac-Man, parce que les gens apparemment le connaissent bien, mais le monde de Pac-Man n'est pas un ruban. Désolé. Ok, bon, on essaiera de s'en remettre. On t'écoute. Alors, un troisième exemple, encore un troisième monde de jeu vidéo, le monde du jeu Astéroïd. Donc dans Astéroïd, on incarne un vaisseau spatial et on doit détruire des astéroïdes qui viennent de tous les coins de l'écran. Alors la particularité de ce jeu, c'est que quand on quitte l'écran à droite, on réapparaît à gauche. Quand on quitte à gauche, on réapparaît à droite. Quand on quitte en haut, on réapparaît en bas. Et quand on quitte en bas, on réapparaît en haut. Du coup, en fait, l'univers, il semble pas avoir de, il a pas de bord, cet univers-là. Il est quand même limité, hein, on peut pas aller aussi loin qu'on veut, mais il a pas de bord. Et du coup, topologiquement, on peut dire que c'est un tore. C'est-à-dire la forme d'un donut, la forme d'une bouée, la forme d'un bagel, la forme d'une chambre à air, ou comme on aime bien pour faire la blague, la forme d'une tasse de café. Même si je trouve que le fait de dire que ça a la forme d'une tasse de café, c'est pas très significatif en général, on voit pas vraiment que ça a la même forme qu'un donut. Donc faut bien imaginer ce que c'est qu'un tore, hein. c'est la forme d'une bouée. Et donc ça, c'est la forme du jeu Astéroïd. Donc pour se le représenter un peu plus géométriquement, avec une feuille de papier encore une fois, donc si on prend notre feuille, on a dit que quand on sort du côté droit, on réapparaît du côté gauche, donc on va faire la même chose que pour Mario Bros, c'est-à-dire que on colle le côté droit avec le côté gauche et on obtient un cylindre. Et on a dit ensuite que si on quitte l'écran par le bord haut, on réapparaît en bas et inversement. Donc ça veut dire que à partir de notre cylindre, pour identifier le haut et le bas, il faut le déformer, et quand on le déforme, on obtient bien la forme d'un tore. Donc du coup, le monde du jeu Astéroïd, il a la forme d'un tore, ou alors il a la forme d'un carré dans lequel les côtés opposés sont deux à deux identifiés. Est-ce que tout le monde suit là pour l'instant ? Tore, qui est le mot scientifique du donut, c'est ça ? Exactement. Enfin, de la surface du donut. De la surface du donut. Parce que le donut en lui-même, c'est un tore plein. Alors que là, je parle juste de la surface. Faut toujours être précis avec les histoires de dimensions, parce qu'après, on finit par raconter n'importe quoi. Donc voilà. Mais... Bon, je te dis pas ce qui se dit dans la chatroom, il n'y a rien d'intéressant. Il y a des gens qui demandent à quoi ça sert, ou des trucs inutiles comme ça. On rappelle qu'on est dans podcast math. Et bien justement, on va y arriver à des applications... de dingue en science-fiction. On va arriver plus tard. Donc finalement, à chaque fois, dans mes trois exemples, on est parti d'un carré dans lequel on a identifié deux à deux des côtés et après, on a obtenu des nouveaux espaces topologiques. Donc du coup, on peut essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire je pars d'un carré, je vais identifier des côtés opposés et on va essayer de voir à quoi, on va essayer de voir ce qu'on va obtenir. Donc par exemple, je prends mon carré et je dis, si je sors du carré du côté droit, je réapparais en haut. Si je sors en haut, je réapparais du côté droit. Si je sors à gauche, je réapparais en bas. Et si je sors en bas, je réapparais à gauche. Est-ce que tout le monde voit ce que je suis en train de... Ouais, moi je vois. Raconter. Attends, tu répètes un petit coup ? Alors, donc on part d'un carré. Ouais. Si on quitte le carré du côté droit, mm-hmm. on réapparaît en haut. D'accord. Et inversement, si on sort en haut, on réapparaît du côté droit. Ok. Et si on sort du côté gauche, on réapparaît en bas. Et inversement, si D'accord. on sort du côté bas, on réapparaît à gauche. Ok, on voit donc, bien. Donc ça, encore une fois, c'est un espace de deux dimensions qui a l'air d'être plat, mais on peut essayer de voir à quoi correspond cet ensemble-là, donc cet espace-là. Donc du coup, pour faire ça, on va encore essayer de prendre notre feuille de papier et essayer de la plier pour voir ce que ça donne. Donc du coup, on va commencer par prendre notre feuille carrée et on va coller le côté droit et le côté haut de notre feuille, le bord droit et le bord haut. Donc si on fait ça, on va obtenir une sorte de cône, si on fait juste le côté droit et le côté haut. Ou comme j'ai pu le dire la semaine dernière, on obtient la forme en fait d'un cornet de churros. Est-ce que tout le monde voit à quoi ressemble un cornet de churros ? Ah non, moi je vois pas du tout. J'étais pas sûr, mais maintenant que j'ai fait l'expérience chez moi, ouais, je vois. Donc ça, c'est ce qu'on obtient du côté si on fait. Fais l'expérience, c'est vrai. Ce qu'on obtient quand on colle le côté droit et le côté haut, on fait la même chose avec le côté bas et le côté gauche. On obtient un autre cône de l'autre côté, un autre cornet de churros de l'autre côté. Et du coup, si on colle le tout, on obtient en fait deux cônes l'un sur l'autre. Et donc deux cônes l'un sur l'autre, si on les déforme, si on aplatit un petit peu les pics, on obtient finalement une sphère. Donc du coup, en fait, l'espace que j'ai décrit, c'est une sphère. Moi, je voudrais que Pouillot nous fasse des dessins là-dessus pour voir un peu ce que ça donne. Parce que moi, j'ai des problèmes en trois dimensions pour imaginer les choses. Pouillot, tu nous feras un dessin ? Alors, où est-ce que je... Donc... Ah oui, donc dans tout ça là, donc j'ai parlé d'identifier des côtés, mais j'ai quelque chose que j'ai pas dit, c'est la façon dont on identifie les côtés. Donc si on prend l'exemple de Mario qui vit sur son cylindre, on peut imaginer que quand il marche sur le sol et qu'il quitte l'écran du côté droit, donc dans le jeu habituel, hein, il réapparaît du côté gauche en étant sur le sol, mais on pourrait parfaitement imaginer qu'il réapparaisse du côté gauche, mais en train de marcher au plafond la tête en bas. On peut parfaitement imaginer ça. C'est-à-dire que s'il marche sur le sol, il quitte l'écran du côté droit, il réapparaît du côté gauche en train de marcher sur le plafond, il continue de marcher sur le plafond, il quitte l'écran du côté droit et il réapparaît au sol, cette fois-ci de l'autre côté. Donc ça veut dire que le bord droit et le bord gauche, encore une fois, sont identifiés, mais dans un sens opposé. Donc dans ce cas, on ne va plus vraiment parler de sol ou de plafond, puisque c'est un unique et même bord. Et géométriquement, on peut dire que ce monde, c'est un ruban de Moebius. Alors, vous pouvez visualiser le concept du ruban de Moebius. Encore une fois, on part avec une bande de papier. Donc, on va prendre une bande de papier rectangulaire pour que ça soit plus simple. Et ce qu'on fait, donc, on va coller un des côtés au côté opposé, mais après lui avoir fait faire un demi-tour. Donc, c'est assez simple à faire. Hein. Vous prenez une ceinture et vous mettez un côté de la ceinture sur l'autre côté, mais avant de coller un côté à l'autre, vous lui faites faire un demi-tour. Et donc, ce qu'on obtient, ça s'appelle un ruban de Moebius. Et ça permet d'obtenir des tas de propriétés assez déroutantes quand on ne connaît pas encore l'objet. Donc, essayez de le faire à la maison. Vous prenez une bande de papier, vous recollez un côté sur l'autre, mais après avoir fait un demi-tour. Et on peut essayer de voir que, par exemple, le ruban de Moebius ne possède qu'un seul bord. C'est-à-dire que si on suit du doigt le bord du ruban, on va finir par revenir au même endroit que le point de départ, mais de l'autre côté. Et si on poursuit... on reviendra au point de départ. Donc il y a l'image qui s'affiche dans la chatroom. Alors, autre chose intéressante avec le ruban de Moebius, c'est qu'il ne possède qu'une seule face. C'est-à-dire que si on suit du doigt la face extérieure du ruban, on finira par revenir au point de départ, mais sur la face intérieure. Et du coup, une application très concrète de ça, c'est dans le dernier Mario Kart, Mario Kart 8, il y a l'une des courses qui se déroule sur un circuit en forme de ruban de Moebius, ce qui veut dire qu'en fait, une fois qu'on est rendu à la moitié de la course, On se retrouve au même niveau que la ligne de départ, mais de l'autre côté de la route. Ah, mais c'est cool, ça. J'avais jamais vu. Hein. Ça, c'est génial. Alors, autre chose qu'on peut faire avec le ruban de Moebius, c'est essayer de voir ce qui se passe quand on essaye de le découper en deux. C'est-à-dire, je prends des ciseaux et je vais le découper en suivant l'axe du milieu, l'axe médian. Et quand on fait ça, on n'obtient pas deux rubans de Moebius, ce à quoi on pourrait s'attendre, mais on obtient en fait un seul ruban classique, un ruban à deux faces. Alors l'explication en fait elle est assez simple, puisqu'on a dit que le ruban de Moebius ne possède qu'un seul bord. Donc si je le coupe au milieu, en fait, le couper au milieu, ça veut dire lui rajouter un autre bord. Et donc la surface qu'on obtiendra sera d'un seul tenant, puisque le haut et le bas du ruban sont toujours dans le même prolongement, mais elle aura deux bords distincts. Et donc, une bande avec deux bords distincts, ça s'appelle un ruban classique. C'est un cylindre. Autre chose, alors si on essaie de découper ce ruban de Moebius cette fois-ci en trois morceaux, donc c'est-à-dire que si on essaye par exemple de le découper en gardant toujours ses ciseaux à 2 cm du bord, le découpage se fera en une seule fois. Et cette fois-ci, on obtiendra non pas trois morceaux, mais on obtiendra deux morceaux. Un morceau extérieur qui va correspondre à un ruban simple, et un morceau intérieur qui sera une version réduite du ruban de Moebius de départ. Et si on fait ça dans un espace à trois dimensions, l'un sera à l'intérieur de l'autre. Allez, on ne pourra pas séparer les deux morceaux. Donc ça, c'était pour le ruban de Moebius. Alors, il y a encore deux objets qu'il faut absolument évoquer. C'est la bouteille de Klein et le plan projectif. Donc, alors il y a encore deux objets de base qu'il faut absolument évoquer. C'est la bouteille de Klein et le plan projectif. Alors, on va commencer avec le premier. Donc, on va encore partir d'un carré, on va essayer de voir ce qu'il faut identifier. Donc pour construire la bouteille de Klein, on part d'un carré et on identifie deux côtés opposés dans le même sens et deux côtés opposés dans le sens contraire. C'est-à-dire que si on part à droite, on réapparaît à gauche normalement. Par contre, si on s'en va en haut, on réapparaît en bas, mais de l'autre côté. Donc c'est un objet qui se construit de la même façon que les autres, sauf que si on essaye de construire ça en trois dimensions, on va se heurter à un gros problème, puisque, alors, si on essaie de le faire, donc, si on recolle les deux côtés qui sont dans le même sens, on obtient un cylindre, mais après, il faudrait essayer de recoller un bout du cylindre à l'autre bout, mais dans le sens contraire, de la même façon qu'on a fait un demi-tour quand on a recollé pour avoir un ruban de Moebius. Et donc, si on essaye de faire ça dans un monde en trois dimensions, on va être obligé de passer à travers notre cylindre. Donc du coup, en fait, la bouteille de Klein, c'est un objet qui est assez particulier puisqu'il n'existe pas dans notre monde à trois dimensions. Et en fait, si on veut essayer de construire une surface, il faudrait pouvoir habiter dans un monde en quatre dimensions. Une autre façon de construire un ruban Moebius, une bouteille de Klein, c'est de prendre deux rubans de Moebius et d'essayer de recoller un ruban sur l'autre, le long du bord. Donc si on fait ça, on pourrait obtenir une bouteille de Klein. Alors une petite remarque, donc les bouteilles de Klein, si vous tapez ça sur Google Images, on tombe très souvent sur une surface qui ressemble pas mal à une bouteille, ce qui laisse à penser que la bouteille de Klein s'appelle bouteille parce que ça ressemble à une bouteille. Sauf qu'en fait, le nom bouteille de Klein, ça viendrait d'une erreur de traduction, puisque le mot bouteille et le mot surface en allemand se prononceraient de la même façon. Alors je ne parle pas allemand, mais je fais confiance aux germanophones pour confirmer ceci. Attends, pardon, je faisais nouveau autre chose, excuse, répète. Alors, bouteille et surface, comment est-ce que ça se dit en allemand? Bouteille, c'est flasche, et puis surface, je suis censé savoir, mais j'en sais rien. Flèche, sauf erreur. Surface, c'est flèche? Ça, flèche, je crois, ça se ressemble énormément. Ah ouais, effectivement, alors. Bah, du coup, en fait, le nom bouteille de Klein, ça vient juste d'une erreur de traduction. Ok. Ah bon? Ouais, c'est la surface, en fait. Et ça a été traduit en bouteille. Mais c'est aussi parce qu'on est des alcooliques. Ouais, et Pascal fait remarquer dans la chatroom que Klein, ça se prononce pas comme ça en allemand. Ah, je prononce à la française. Hein. Ouais, mais tout le monde prononce ça comme ça. Tout le monde. Quelle c'est perspective mal. Franco-française. Non, ce serait Klein en allemand. Je m'insurge, mais... Ah ouais, t'as vraiment l'air de t'insurger avec beaucoup de passion. Donc c'est Klein en allemand. Oui, c'est Klein. Bon, je continuerai à dire Klein parce que j'ai toujours dit Klein. Pas de raison de changer. Bref. Donc j'ai parlé de la bouteille de Klein et il faut aussi parler du plan projectif. Alors donc le plan projectif, encore une fois, on part d'un côté et on identifie les côtés droit et gauche dans le sens contraire et on identifie le côté haut et gauche dans le sens contraire. Donc en fait, ça serait une sorte de tore, mais qui serait un ruban de Moebius de tous les côtés. Alors, visuellement, c'est particulièrement difficile à identifier. Et si on cherche des images d'un plan projectif, on tombe toujours sur des objets qu'on ne comprend pas. Puisque si on essaie de le dessiner en trois dimensions, il y aura toujours un endroit où la surface s'auto-intersecte deux fois. C'est-à-dire que c'est encore pire que la bouteille de Klein représentée. Donc, quand on veut voir un plan projectif, on n'essaye même pas de le représenter en trois dimensions. C'est encore un objet qui n'existe que en quatre dimensions. Alors, pour ceux qui préfèrent la couture, pour construire un plan projectif, on peut essayer de partir d'un ruban de Moebius et de le recoller sur lui-même. Alors, les topologistes savent faire ça, et quand ils font ça, ils obtiennent un plan projectif. Alors, donc, en fait, ce qu'il y a de particulier avec la bouteille de Klein et le plan projectif, c'est que si on s'y prend bien, on peut découper les surfaces de manière à obtenir un ruban de Moebius. C'est-à-dire que toutes les bizarreries qu'on a vues sur le ruban de Moebius, on peut les retrouver sur la bouteille de Klein et sur le plan projectif. Donc, c'est-à-dire que c'est des objets qui possèdent qu'une seule face, et des objets comme ça s'appellent des surfaces non orientables. Je vais peut-être en reparler tout à l'heure. Donc là, on a fini de décrire les briques de base de la topologie en deux dimensions. Et maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on peut essayer de fabriquer des nouvelles choses une fois qu'on a tout ça? Alors pour ça, on dispose d'une opération qui permet de fabriquer des nouvelles surfaces. C'est la somme connexe. Alors la somme connexe, qu'est-ce que c'est? C'est une opération de chirurgie des surfaces qui est assez pointue. Donc pour ça, on prend deux surfaces. Sur la première, on découpe un petit disque. Sur la deuxième, on découpe un autre disque et on recolle la première surface sur la deuxième de manière à obtenir une nouvelle surface un peu plus grande. Donc on va essayer de voir sur des exemples. Si on prend par exemple deux sphères, on va essayer de construire la somme connexe de deux sphères. Donc pour ça, on prend notre première sphère, on découpe un petit disque sur la première sphère. Sur notre deuxième, on fait la même chose, on découpe un petit disque et on recolle la première sphère sur la deuxième. Au niveau du découpage qu'on vient de faire. Alors pour s'imaginer ce que ça donne, ça correspond à peu près à une molécule de dihydrogène ou de dioxygène. Ça correspond sinon aussi à la forme que prend des cellules pendant une mitose, c'est-à-dire deux sphères qui sont collées l'une contre l'autre. Et donc du coup, en fait, si on déforme ça, puisqu'en topologie on peut déformer, donc notre couple de sphères encastrées, en fait, si on le déforme, on peut obtenir une sphère parfaite. Autrement dit, la somme connexe de deux sphères, c'est une seule sphère. Une autre image pour se représenter, c'est que si on a deux bulles de savon qui se rencontrent, elles vont fusionner et former une bulle de savon un peu plus grande. Du coup, en fait, quand on fait des sommes connexes sur les sphères, ça sert absolument à rien puisqu'on obtient une nouvelle sphère. Alors, on peut essayer de voir ce qui se passe. Ouais, mais elle est plus grande, la troisième sphère. Bah, la nouvelle sphère est plus grande, effectivement, sauf que comme on est en topologie, la taille, on s'en fiche. On peut déformer comme on veut. D'accord. Alors, par contre, on peut essayer de faire des nouvelles choses si on essaye de faire la même chose avec des tores. C'est-à-dire, si je prends un tore, je découpe un petit trou dans mon premier tore, je prends mon deuxième tore, je découpe aussi un trou, je les recolle, et du coup, j'obtiendrai deux tores collés. Et du coup, en fait, c'est ce qu'on appelle un tore à deux trous, ou un tore à deux anses, suivant la façon dont on le voit à moitié vide ou à moitié plein. Et du coup, on peut comme ça fabriquer des tores qui possèdent toujours plus de trous, ce qui permet de fabriquer une famille infinie de nouvelles surfaces. Donc à partir d'un tore, à partir de plusieurs tores, on peut fabriquer des nouvelles surfaces qui contiennent toujours plus de trous. Alors on peut faire, donc là on a fait ça avec les tores, on peut essayer de faire ça avec des plans projectifs. Alors on peut essayer de le faire, on va pas le faire, mais on peut essayer de le faire. Donc par exemple, si on prend un plan projectif et qu'on en fait une somme connexe avec un autre plan projectif, on obtient une bouteille de Klein. Et si on le refait, on obtient encore des nouveaux objets. Mais c'est des objets qui seront toujours horribles, hein, c'est-à-dire toujours avec pas d'intérieur, pas d'extérieur. Toujours les problèmes que si on se déplace sur la surface, on finira par revenir au point de départ, mais à l'envers. Donc ça, on va les oublier, hein, tous ces objets. Mais finalement, en fait, l'opération somme connexe, ça permet de fabriquer des nouvelles surfaces. Mais en fait, ça ne permet pas de fabriquer tant de nouvelles surfaces que ça. Et au final, les surfaces qu'on vient de décrire, ce sont donc les surfaces qui possèdent un bord, genre le ruban de Moebius, le ruban. On a parlé de la sphère, on a parlé des tores, avec un trou ou avec plusieurs trous. Et on a parlé aussi des sommes connexes de plans projectifs. Ça, je n'ai même pas essayé d'imaginer à quoi ça ressemble, c'est horrible. Donc là, en fait, on a imaginé toutes les surfaces possibles, et du coup, maintenant, on peut essayer de trouver quelle est la forme de la Terre. Alors, donc premier point, déjà, la Terre n'a pas de bord. Ça, j'espère que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc du coup, comme la Terre n'a pas de bord, ça ne peut pas être un cylindre, ça ne peut pas être un ruban de Moebius. Alors, deuxième point, la Terre, elle est compacte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'éloigner à une distance infinie de la Terre tout en restant à la surface de la Terre. Donc du coup, on peut exclure le fait que ça soit un plan qui soit infini dans toutes les directions. Alors, troisième point, la Terre, elle est orientable. C'est-à-dire que si je fais le tour de la Terre et que je reviens à mon point de départ, je serai toujours au-dessus de la croûte terrestre, a priori. Donc du coup, on doit exclure le fait que la Terre puisse être un ruban de Moebius, puisse être une bouteille de Klein, puisse être un plan projectif, ou n'importe quelle surface construite comme somme connexe de plan projectif. Donc du coup, qu'est-ce qui reste pour la surface de la Terre? Il nous reste soit une sphère, soit un tore à plusieurs trous. Donc finalement, avec tout ce qu'on sait de la Terre, ça peut être une sphère, ça peut être un tore, ça peut être un tore à plusieurs trous. Donc pour pouvoir se décider entre les différentes formes possibles, on va quand même parler un petit peu de géométrie, on va essayer de faire de la géométrie sur notre planète. Alors sans rentrer trop dans les détails, on peut essayer de voir ce qui se passe quand on dessine un triangle et qu'on mesure les angles. Donc on peut essayer de voir ce qui se passe quand on dessine un triangle et qu'on mesure les angles. Donc si la somme des angles donne 180 degrés, c'est qu'on est dans une géométrie euclidienne, la géométrie qu'on a tous appris au collège et au lycée. Si on trouve que ça fait moins de 180 degrés, c'est qu'on est dans de la géométrie hyperbolique, et si on trouve plus, c'est qu'on est dans une géométrie sphérique. Et du coup, on peut essayer de voir ce qui se passe quand on fait ça sur la Terre. Alors, si on dessine un triangle sur la surface de la Terre, on peut voir qu'on obtient toujours des triangles qui auront des angles dont la somme sera supérieure à 180 degrés. En particulier, si on prend une sphère et qu'on dessine un triangle qui va du pôle Nord jusqu'à l'équateur, on peut s'arranger pour avoir un triangle qui possède trois angles droits. Et donc, un triangle qui possède trois angles droits, ça n'existe que dans la géométrie sphérique. Et du coup, on peut en déduire que la Terre est une sphère. Et donc, finalement, on est rassuré, la Terre est bien une sphère. Alors, si on avait trouvé des angles qui étaient égaux à 180 degrés, c'est qu'on aurait été dans une géométrie euclidienne. Et dans ces cas-là, il aurait fallu se tourner vers le tore ou la bouteille de Klein. Et si on avait trouvé une géométrie hyperbolique, on aurait dû se tourner vers un tore qui possède au moins deux trous. Sauf que comme on a trouvé une géométrie sphérique, la Terre est une sphère. Donc effectivement, je vois dans la chatroom, un triangle peut avoir trois angles droits si on le dessine sur une sphère. Alors du coup, maintenant, on a statué sur la forme de la Terre, il est temps de voir encore plus grand quelle est la forme de l'univers. Alors quand on pose la question de la forme de l'univers, on sous-entend en fait deux questions. Quelle est sa géométrie et quelle est sa topologie? La question de la géométrie, c'est celle de sa courbure, c'est-à-dire le chemin le plus rapide entre deux points est-il toujours la ligne droite et que vaut la somme des angles dans des triangles dans l'univers? Donc ça m'intéresse pas. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la topologie, c'est-à-dire quelle est la forme globale de l'univers? C'est-à-dire à quoi ressemblerait l'univers si on le voyait depuis l'extérieur? Donc je parle de notre univers, celui dans lequel on vit tous, hein, les matheux et les non-matheux. On peut se poser la question. Merci de ta précision. Mais on va voir que ça peut donner des choses assez intéressantes. Donc alors, le fait qu'on vit dans un monde à trois dimensions fait qu'il suffit de s'éloigner un petit peu de la Terre pour observer que, comme je l'ai dit, elle est effectivement sphérique. Mais pour connaître la forme de l'univers de la même façon, il faudrait pouvoir l'observer de loin et depuis un espace qui serait au moins quadridimensionnel, quatre dimensions. Donc du coup, on va faire que des hypothèses, mais certaines ont l'air absurdes et pourtant, c'est pas parce qu'elles sont absurdes qu'elles sont impossibles. Donc première question à se poser, est-ce que l'univers est infini? Donc on a tendance à dire que oui, c'est-à-dire que si on se balade dans l'univers, il y a peu de chances pour qu'à un moment donné, on cogne contre un mur. Dans ce cas, si l'univers est infini de la façon dont on le pense, c'est que l'univers aurait la topologie de l'espace R3. Donc l'espace R3, c'est l'espace tel qu'on l'étudie au lycée, avec trois axes, trois coordonnées qui s'étendent à l'infini. Sauf qu'en fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'univers il peut ne pas être infini sans pour autant avoir de bord? Parce qu'on a vu tout à l'heure, dans le cas du tore, que le monde du jeu astéroïde, il n'était pas infini et pourtant il n'avait pas de bord. Et on va voir que pour l'univers dans lequel on vit, ça peut être aussi le cas. Et donc pour ça, on va faire un peu de mathématiques fiction. Imaginez que l'univers est un cube géant et qui possède donc 6 faces. Donc ce qu'on peut essayer d'imaginer, c'est que quand on franchit l'une des faces de ce cube, on se retrouve dans un autre univers identique, trait pour trait, au premier univers. Et comme ça, il y aurait une infinité d'univers cubiques, tous identiques, et empilés les uns sur les autres. Si bien que si je traverse une phase de SCUB, comme tous les univers à côté sont identiques, il y aurait la copie de moi-même de l'univers d'à côté qui viendrait dans l'univers duquel on part. Autrement dit, puisque tous ces univers sont exactement identiques, on peut en fait dire qu'il n'y en a qu'un seul, et que quand on franchit une face, on est téléporté sur la face opposée, à la même position. En faisant l'analogie avec le monde torique, bidimensionnel du jeu Astéroïde, on peut dire que cet univers, il a la forme d'un tore, mais en trois dimensions. Et physiquement parlant, cette éventualité est tout à fait envisageable. Il y a même des physiciens qui se posent la question du « est-ce que l'univers pourrait avoir cette topologie-là » Donc, on peut essayer de voir qu'est-ce qui se passerait si on vivait dans un espace qui avait cette forme-là. Donc, imaginons que l'univers est tridimensionnellement torique. Je suis sur la Terre, je prends mon télescope, je regarde dans une direction donnée et j'observe une étoile qui me semble particulièrement éloignée. Eh bien, il n'est pas impossible que l'étoile que je suis en train d'observer, qui a l'air très éloignée, il n'est pas impossible que ça soit le Soleil qui émettrait de la lumière vers moi, puisqu'en fait, le Soleil, comme il émet de la lumière dans toutes les directions, il y a plusieurs trajets différents qui peuvent mener à mon télescope. Il y a le trajet direct, il y a aussi un trajet qui pourrait faire le tour de l'univers, passer par une face, revenir de l'autre côté et revenir jusqu'à mon télescope. Autrement dit, dans un univers qui aurait la forme d'un tore, une même source lumineuse pourrait créer plusieurs images différentes, ce que les physiciens appellent des mirages topologiques. C'est un peu ce qu'on observe en fait quand on est dans une pièce qui est cubique où tous les murs sont recouverts de miroirs. Voilà, donc jusqu'à présent, hein, aucun mirage topologique n'a été observé, mais on ne sait jamais, hein, les physiciens cherchent. Par contre, on a déjà observé des mirages géométriques, puisqu'en certains points de l'univers, les distances sont déformées, et du coup, la lumière elle peut disposer de plusieurs trajets différents de même longueur allant d'un point A à un point B, qui donne l'illusion en fait que la lumière provient de plusieurs sources différentes. Alors, le problème, c'est que ce que je viens d'expliquer là sur les mirages topologiques, ça pourrait être impossible à observer si l'univers est trop grand. Donc l'univers, il est à peu près âgé de 14 milliards d'années, hein, et la vitesse de la lumière étant ce qu'elle est, on ne peut rien observer au-delà de 14 milliards d'années-lumière. Donc si on nous dit que si l'univers est torique et qu'on a un cube de base qui fait plus de 30 milliards d'années-lumière de côté, alors les seuls rayons qui nous parviennent ne peuvent pas avoir fait le tour de l'univers et donc pas de mirage topologique possible. Une petite remarque, hein, j'ai dit 14 milliards d'années-lumière, sauf que comme l'univers est en expansion, en 14 milliards d'années, la lumière fait plus que 14 milliards d'années-lumière. Alors donc pour l'instant, j'ai évoqué seulement deux topologies possibles pour l'univers, mais en fait, des topologies possibles, il n'y en a pas que deux, il y en a encore une fois une infinité de possibles, comme pour la surface de la Terre, où on pourrait avoir des tores à plusieurs trous. Mais il y a quand même des choses qui peuvent nous indiquer quelles sont les topologies qui ont la plus de chances d'exister. En particulier, on peut essayer de regarder ce qui se passe au niveau de la géométrie d'univers. Donc, des géométries en deux dimensions, il n'y en a que trois, on a dit, un sphérique, hyperbolique, euclidienne. En trois dimensions, des géométries, il y en a huit possibles. Sphérique, hyperbolique, euclidienne et cinq autres, hein, que je ne détaillerai pas. Cela dit, rien n'empêche a priori qu'on puisse avoir une géométrie sphérique quelque part et une géométrie euclidienne ailleurs. Alors, selon les observations des physiciens sur le fond diffus cosmologique, l'univers est homogène et isotrope. Alors, comme je suis pas un frère Bogdanov, hein, je vais être honnête, j'ai absolument pas compris la phrase que je viens de dire. Mais la conséquence, c'est que la géométrie, elle est à peu près partout la même. Alors, à ce propos, Gauss, il a eu la même idée. Il s'est dit que l'univers, effectivement, pourrait ne pas avoir une forme euclidienne partout. Et du coup, il est allé vérifier lui-même. Donc il est monté au sommet de montagne, il a calculé pour voir si les triangles faisaient bien 180 degrés. Et il a fait ça et il a trouvé que effectivement les sommes des angles dans des triangles faits à partir de sommets de montagne faisaient 180 degrés. Ce qui fait que l'univers a l'air euclidien, mais au moins vu de la Terre. Sauf que c'est pas parce qu'on trouve que l'univers est euclidien au niveau de la Terre que ça restera vrai pour des échelles bien plus grandes. Donc du coup, en fait, la géométrie elle a des implications sur la topologie. Si la géométrie est sphérique, l'univers aura nécessairement une topologie non infinie. Alors ça, c'est un théorème. Hein. Si on a une géométrie sphérique, on aura un univers qui n'est pas infini. Par contre, si l'univers est hyperbolique, on peut avoir une infinité de possibilités. Et de la même façon, si l'univers est euclidien, et que, comme on vient de dire, la géométrie est à peu près partout la même, on peut avoir que 18 topologies possibles. Et 18 topologies sur une infinité, c'est pas mal. Du coup, pour simplifier les choses, on va admettre que l'univers est euclidien. C'est-à-dire que si on dessine un triangle, la somme des angles fait bien 180 degrés partout dans l'univers. Et ça, en fait, c'est ce que les physiciens observent, hein, que l'univers a l'air euclidien, et s'il l'est pas, bah il est très peu. S'il est pas euclidien, il est juste un tout petit peu hyperbolique ou juste un tout petit peu sphérique, mais il a l'air bien euclidien quand on regarde. Donc du coup, au niveau des topologies, on a déjà évoqué la topologie R3, c'est-à-dire la topologie infinie dans toutes les directions, et on a évoqué la topologie torique, c'est-à-dire la topologie finie dans toutes les directions. Et donc il y en a 16 autres. Alors je vais pas tous les détailler, évidemment, mais il y a par exemple la topologie demi-tour, c'est-à-dire que, encore une fois, on se place, on imagine un cube géant. Si on va à droite, on revient à gauche. Si on quitte en haut, on revient en bas. Par contre, si on franchit la face qui est devant soi, on réapparaît de l'autre côté, mais après une rotation de 180 degrés, c'est-à-dire la tête en bas. Autrement dit, si on se tient debout dans un espace qui a cette topologie, on se verra soi-même de dos, mais la tête en bas. Tout le monde voit bien le truc, là ? Donc ça, c'est une topologie qui est possible pour l'univers. Hein, il n'y a pas de raison de l'écarter. Donc il y a aussi la topologie quart de tour, hein, c'est-à-dire que si on se regarde soi-même, on se voit de dos, mais après une rotation à 90 degrés. Donc dans le même ordre d'idée, il y a la topologie prismatique. Hein, au lieu de partir d'un cube, on part d'un prisme à base hexagonale. Et donc ça donne d'autres topologies encore. Et il y a enfin des topologies... Alors, il y a la topologie cheminée, c'est-à-dire qui serait infinie selon une direction et finie selon les deux autres. Et aussi la topologie plaque, infinie selon deux dimensions et finie selon une autre. Enfin bref, donc tout ça, ça donne 10 topologies possibles, donc 10 topologies euclidiennes. Alors j'ai dit qu'il y en avait 18, parce que j'ai parlé seulement des topologies orientables. Donc je rappelle, quelque chose qui est non orientable, c'est quelque chose du genre du ruban de Moebius, c'est-à-dire quand on fait le tour, on revient au point de départ, mais à l'envers. Et donc ça, c'est encore une fois possible en 3 dimensions. Alors par exemple, on peut parler de la topologie SO3. Donc dans cette topologie, on se place encore une fois dans un grand cube. Quand on franchit une face, on réapparaît de l'autre. Mais quand on franchit une face, on réapparaît de l'autre après une symétrie par rapport à un plan. C'est-à-dire que si on se tient debout dans un espace qui possède cette topologie, qu'on regarde devant soi et qu'on lève la main droite, on va se voir soi-même de dos, mais en train de lever la main gauche. Alors, un univers qui posséderait cette topologie est assez difficile à imaginer, mais physiquement, c'est pas impossible. Alors, on peut essayer d'imaginer qu'est-ce que ça serait de vivre dans un espace qui aurait cette topologie non orientable. Et à mon avis, ça pourrait donner des superbes idées aux scénaristes de science-fiction. Par exemple, après un voyage de quelques années autour de l'univers, Tom Cruise, qui interprète un soldat de la guilde spatiale, revient sur Terre, mais il ne reconnaît plus rien. Les humains ont le cœur à droite, les horloges tournent dans le sens direct, les Anglais roulent à droite. Les citrons ont le goût d'orange. Alors pourquoi je dis que les citrons ont le goût d'orange, hein, ça c'est un peu de chimie, puisque le goût du citron et le goût de l'orange, c'est la même molécule, mais en image miroir. Donc si on a fait le tour de l'univers et qu'on revient avec après une symétrie par rapport à un plan, quand on mangera un citron, on trouvera qu'il aura un goût d'orange. Donc ça pourrait faire, à mon avis, une très bonne idée de scénario de science-fiction. Génial, j'y avais jamais pensé, c'est génial. Alors là, pour l'instant, j'ai parlé que des topologies euclidiennes, mais... Si, comme le pensait Einstein, puisqu'il faut toujours citer Einstein, et si l'univers, c'était une sphère de dimension 3? Alors, pour se poser la question, déjà, il faut essayer de voir à quoi ça ressemble une sphère de dimension 3. Parce que quand on parle d'une sphère au sens habituel, on parle de sphère de dimension 2. On va essayer de voir ce que c'est qu'une sphère de dimension 3. Donc, pour être précis, on va essayer de bien différencier ce que c'est une sphère et ce que c'est qu'une boule. Donc, une sphère, c'est quelque chose qui est vide à l'intérieur, tandis qu'une boule, c'est quelque chose qui est plein. Donc une sphère de dimension 3, c'est pas du tout la même chose qu'une boule de dimension 3. Donc par exemple, une boule de pétanque, ça a la forme d'une sphère donc de dimension 2, puisqu'on regarde que la surface, donc c'est de dimension 2. Donc du coup, en fait, une boule de pétanque, on devrait plutôt appeler ça une sphère de pétanque, puisque c'est creux. Par contre, les boules de billard, elles ne sont pas creuses, donc du coup, ça mérite bien de s'appeler des boules de billard. Et donc, quand on parle d'une boule de billard, c'est une boule qui est de dimension 3. Par contre, quand on parle d'une sphère de pétanque, c'est une sphère de dimension 2. Mais tout ça, ça nous dit pas à quoi ça ressemble une sphère de dimension 3. Donc, pour comprendre ce qui va se passer en dimension 3, on va essayer de voir ce qui se passe dans des dimensions plus petites, celles qu'on peut comprendre. Alors, une sphère de dimension 2, on vient de dire, c'est la sphère usuelle, hein, la forme de la Terre, la forme d'une sphère, celle qui est creuse. Une sphère de dimension 1, qu'est-ce que c'est ? Une sphère de dimension 1, c'est un point, je suppose. Quand on parle juste de la dimension, en fait, c'est qu'est-ce que c'est une sphère, mais si on le dessine seulement selon une ligne. Enfin, si on dessine une sphère comme une ligne, en fait, une sphère de dimension 1, ça nous donnera juste, comme le dit Pouillot, un cercle, effectivement. Ah, Ok. Par contre, ça serait un point si on faisait un cercle de dimension zéro. D'accord. Donc si on fait... Heureusement qu'on a Pouillot. Hein. Et donc, du coup, une sphère de dimension 1, c'est un cercle, et une boule de dimension 2, du coup, donc une boule de dimension 3, c'est une boule de billard, une boule de dimension 2, du coup, c'est un disque. Donc, quand on dit un disque, c'est un cercle plein, un cercle dans lequel on considère aussi son intérieur. Alors, et c'est là que les topologues font des choses qui dépassent totalement l'entendement, c'est que qu'est-ce qui se passe si on recolle le long de leur bord deux disques ? Qu'est-ce qui se passe si on prend deux disques et qu'on essaye de coudre ces deux disques le long de leur bord. Donc quand je... On obtient un nouveau disque. Alors on obtient effectivement un nouveau disque, sauf que si on essaye de souffler à l'intérieur pour le gonfler, qu'est-ce qu'on obtient ? Une sphère. On obtient une sphère. Donc en fait, quand on prend deux disques et qu'on les recolle le long de leur bord, topologiquement, on obtient une sphère de dimension 2. Autrement dit, une sphère, ça peut être obtenu par recollement de deux boules. Donc quand je dis des boules, c'est au sens au niveau de leur dimension. Donc là, les boules, c'était mon disque. Du coup, l'opération là, elle fonctionne bien en dimension 2. Il n'y a pas de raison qu'elle fonctionne pas en dimension 3. Et donc, une sphère de dimension 3, c'est ce qu'on obtient quand on recolle deux boules de dimension 3 le long de leur bord. Assez difficile à imaginer. Hein. On prend une boule de billard, on prend une autre boule de billard, on essaye de recoller ces deux boules le long de leur bord. Et si on fait ça, on obtient une sphère de dimension 3. Donc pour les mathématiciens, ça c'est quelque chose de tout à fait naturel à faire. Hein. Forcément, après, essayer de le faire dans d'autres mondes à trois dimensions, c'est plus compliqué. Mais dans un espace à quatre dimensions, ça serait facile à faire. Donc du coup, le fait de faire cette construction, en fait, ça nous permet d'imaginer ce qui se passe si on est à l'intérieur d'un espace qui aurait la forme d'une hypersphère, une sphère de dimension 3. Donc on peut imaginer qu'on est à l'intérieur d'une sphère géante ou d'un cube géant, puisqu'on a dit qu'une sphère et un cube, c'est la même chose. Et donc, en fait, si on est dans un espace qui aurait cette topologie-là, quand on franchit un cube par l'une des faces, on réapparaît au même endroit, mais dans un autre cube. Parce qu'on a dit qu'une hypersphère, ça correspond à deux boules. Donc, du coup, si je franchis une face de mon cube, je vais réapparaître dans un autre cube, mais au même endroit. Et du coup, depuis cet autre cube, si je... passe selon une phase, je vais revenir dans mon premier espace. Donc du coup, en fait, on aurait un espace qui aurait la forme d'une sphère de dimension 3 et c'est candidat tout autant que n'importe quelle autre topologie pour être la forme de l'univers. Donc encore une fois, ça pourrait faire une belle histoire de science-fiction à base de mondes parallèles topologiques. Enfin bon. Donc maintenant, l'univers, en fait, il y a à peu près 18... forme possible pour l'univers, mais maintenant le flambeau il est dans la main des physiciens, ça va être à eux de trouver parmi toutes les formes possibles pour l'univers laquelle est celle de notre univers à nous. Donc mine de rien en fait, la question de la topologie de la géométrie de l'univers, c'est des questions qui sont assez centrales en cosmologie, et pour l'instant j'ai supposé ici que l'univers était en trois dimensions, mais ça c'est pas forcément sûr, hein. Quand on voit les nouvelles théories, on pourrait avoir un univers qui aurait quatre dimensions ou plus, et du coup on aurait des topologies qui seraient bien pires. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter sur le monde de la topologie. Il y aurait encore énormément d'autres choses à faire, mais je voulais pas rentrer dans tous les détails. Je pense que j'en ai déjà perdu suffisamment comme ça. Tu crois? Non, mais pas vraiment. Non, mais bon, c'est fou, hein. Ce que j'aime bien, c'est de finir sur ça sert à quelque chose, parce que ça va permettre de savoir quelle est la forme de notre univers, alors qu'honnêtement, tout le monde s'en fout. c'est des questions à la Bogdanov, hein, c'est-à-dire tout le monde s'en fout, mais il faut se poser la question. Ouais, la forme de l'univers, je m'en fous nettement plus que de savoir ce qu'on obtient quand on colle deux boules de pétanque l'une à l'autre. Bah voilà que Robin a retrouvé des rapports normaux à la physique. Tu nous as inquiété ces derniers temps, ça va mieux, on sent là. Bon, t'as eu des questions dans la chatroom. Il y avait Maxence à un moment qui demandait si la double vrille d'un ruban de Möbius, est-ce qu'elle est différente du ruban de départ ? Alors, donc si on regarde ça juste d'un espace à trois dimensions, effectivement, on ne peut pas déformer un ruban dans lequel il y a deux vrilles en un ruban sans vrille. Mais d'un point de vue topologique, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est une surface qui possède deux bords et chacun des deux bords correspond à un cercle. Donc, un ruban de Möbius dans lequel il y aurait deux vrilles, c'est la même chose qu'un ruban de base. D'accord. Et puis, il y a Kyoku57 qui, à un moment donné, a demandé si, du coup, en topologie, l'expansion ou la contraction de l'univers, tu t'en fous, c'est ça ? Enfin, de cet univers ? Complètement, oui. D'accord. Il y a des gens qui ont ces préoccupations, franchement, je ne comprends pas. D'ailleurs, Kyoku, il dit aussi qu'on utilise la topologie pour le traitement d'image, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Enfin, tout ça, même au-delà du traitement d'image, enfin... En traitement d'image, de toute façon, en fait, on pose les hypothèses qu'on veut. Du coup, on peut utiliser un peu tout plein de domaines mathématiques qui, justement, ont l'air, au premier abord, de servir à rien. Mais pour un exemple rigolo de topologie, c'est un truc que je faisais justement au Palais de la Découverte, c'est que les images, globalement, c'est des espaces genre à 1 million de dimensions, bah, parce qu'il y a 1 million de pixels auxquels on peut donner chacun la valeur qu'on veut, quoi. Donc, on a 1 million de dimensions qu'on peut régler comme on veut. Sauf que si je prends des pixels et que je les remplis avec une couleur au hasard, bah, ça donne pas une image qui ressemble à quelque chose. Genre les images de visage, bah, y a deux yeux, il y a une bouche, il y a un nez, et pour que ce soit une image de visage, vaut mieux qu'il y ait ça, sinon on reconnaît pas, quoi. Du coup, il y a des gens qui essaient de définir la topologie de l'espace des images de visage. Donc ils disent, je prends quelques visages, j'essaie de définir une topologie. Alors c'est pas aussi théorique et précis que ce dont a pu parler LJJ, mais ils essaient de définir une vague topologie. Et après de définir une métrique sur cet espace des images de visage. Et du coup, ils disent, super, maintenant je connais mon espace des images de visage, je connais ma métrique, je peux définir le plus court chemin pour aller d'une image de visage à un autre, et je vais le parcourir. Et en le parcourant, je fais un morphing. C'est-à-dire que tout le long, je suis sur l'espace des visages, donc je suis une image de visage, et je vais du visage A au visage B. Et donc je fais ce qu'on voit des fois sur des films, des morphings, où ça passe d'un visage à un autre sans que ça fasse une image dégueulasse au milieu. C'est toujours un visage entre deux. D'accord. Ouais, je comprends bien. Ouais. Ah ouais, d'accord. Tout ça en faisant des jolies mathématiques au milieu, quoi. D'accord. Et on a Kyoku qui a précisé sa pensée dans l'intervalle, qui parlait de biologie, donc, où on seuille et érode l'image, et après on utilise la connexité pour déterminer le nombre de cellules dans l'image. Ah oui, alors ça c'est aussi autre chose, en effet, ça va être plus compliqué d'en parler, mais ouais, c'est des méthodes pour détecter des choses dans une image où en effet, donc la connexité c'est juste le nombre de morceaux, le nombre de morceaux en fait de la forme, genre le i, il a la forme, le bâton et le point, ça fait qu'il y a deux éléments, c'est pas connexe. Alors qu'une autre forme de lettre, genre le A, tel qu'on l'écrit classiquement, il n'y a qu'un seul ensemble, il n'y a pas deux éléments, quoi. Il n'y a pas besoin de lever le crayon pour l'écrire. Mm-hmm. Et ça utilise ces choses-là, c'est-à-dire que ça fait des opérations sur l'image, et puis après ça compte le nombre de parties qui sont différentes dans l'image, et c'est comme ça qu'il détermine l'identité des cellules ou d'autres choses, quoi. Ouais, d'accord. Okay. En fait, tous ces trucs-là, ouais, en effet, on les utilise à plein tube, parce qu'il y a beaucoup de résultats très intéressants dessus, quoi. Même les différentes géométries dont a parlé LJJ, de toute façon, moi, je vais faire un dossier sur la géométrie projective, parce que c'est merveilleux. Mais il y a énormément de choses à faire là-dessus. Je ne connais pas les 18, je ne savais même pas qu'il y en avait autant, mais c'est extrêmement pratique. Après, je ne sais pas qu'est-ce que ça aurait comme impact de se dire que finalement, on est sur une sphère ou sur autre chose au niveau de l'univers, quoi. Et je pensais même pas qu'on en savait aussi peu, en fait. Bon, on connaît quand même des petites choses hein, au niveau de la géométrie, mais c'est tout, en fait. Et c'est un domaine qui est vraiment, finalement, qui démarre. Parce qu'avant, on cherchait juste la géométrie de l'univers, on se posait pas de la question de la topologie de l'univers. J'avais entendu parler il y a pas mal d'années déjà d'une hypothèse d'une équipe de Français, je sais plus si c'était Luminé ou si c'était un dodécaèdre de points carrés. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça. Je l'ai vu en faisant des recherches qu'effectivement, ouais. Il part sur le dodécaèdre de points carrés. En gros, pour expliquer rapidement aux gens dans la chatroom, pour ne pas juste parler entre nous, tu avais parlé des cubes empilés où quand on sort par une face, on est en train de revenir par la face de l'autre côté. Un dodécaèdre, ce n'est pas un cube, mais c'est un autre polyèdre. Et c'est un peu la même chose. Les faces en face sont collées l'une à l'autre. J'ai préféré pas en parler parce que déjà que c'est pas facile à expliquer avec juste un cube, alors avec un dodécaèdre. J'aurais peut-être mieux fait de me taire, t'as raison. Mais enfin, en tout cas, c'était une hypothèse qui était, je sais plus, il y a une dizaine d'années, ils ont sorti ça tout d'un coup, je sais pas où ils en sont maintenant. Mais... Donc le dodécaèdre, hein, il a 12 faces. Et c'est même pas quand on sort d'un côté, on apparaît de l'autre côté, hein, c'est quand on sort sur une face, on réapparaît sur une autre. Enfin, c'est assez bizarre hein, la façon dont, dont l'espace dodécaédrique de Poincaré est fabriqué. Il y a une image pour ceux qui sont en direct et puis pour les autres qui pourront aller regarder. Il y a la couverture d'un bouquin de Luminé avec une image qui rappelle quand même ça, le dodécaèdre de Poincaré. Même si je ne pense pas que ce soit exactement ça. Et tiens, ça me fait penser au niveau justement du traitement d'image. En traitement d'image, il se trouve que très souvent, même si c'est très rarement précisé, on suppose que les images sont sur des tores, parce qu'on suppose qu'elles sont périodiques dans les deux sens, c'est-à-dire que si on va en haut, on retombe en bas, et si on va à droite, on retombe à gauche. Et en particulier, la transformée de Fourier dont j'avais parlé, quand on l'a fait sur des images, on l'a fait en fait sur un tore. Voilà. Donc c'est utiliser aussi ces espaces un peu chelous, quoi. Bon. C'est, j'ai tué tout le monde définitivement. Non, mais voilà, je sais pas. Moi, je suis admirative. Je sais pas. Après, on vit très bien sans le savoir. Hein. Il y a plein de gens qui appliquent ces trucs-là sans se rendre compte qu'ils font ça sur un tort. Hein, mais bon. Bah, à commencer par le. Oui, enfin, les premières choses, les mondes décrits, tout le monde arrive à s'en sortir très bien en jouant à un jeu vidéo. Hein. Je veux dire, c'est pas forcément très compliqué à ce niveau-là. C'est quand on passe aux dimensions supérieures que ça se corse. Ouais. Okay. Bon, il y a Kyoku, donc il m'a précisé dans l'intervalle que ça se prononce Kyoku, qui nous dit « Ouais, dans le jeu de la vie, on fait pareil, on doit choisir si on est sur un tore ou un cylindre. » Je pense qu'il a bien résumé l'esprit. Non, mais oui, bah, le jeu de la vie, j'en ai pas parlé encore, je sais pas si je crois que personne n'en a parlé encore dans le podcast science, mais je pense que alors, dans le genre sujet hyper paradiophonique, on est au summum là. C'est un vrai jeu ? Ouais, il y a un truc qui s'appelle le jeu de la vie qui est hyper intéressant, mais enfin qui est hyper intéressant. C'est pas un jeu qui se joue, le jeu de la vie. Voilà. Un jeu qui se regarde, en fait. C'est ça, qui se contemple. Donc, pour la radio, c'est pas terrible. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une situation initiale, et puis après, ça évolue au cours du temps, ça forme des choses très jolies, en général. D'accord. Et du coup, oui, on peut faire ça sur un temps, on peut faire ça sur ce qu'on veut. Pour imaginer un jeu de la vie sur une bouteille de Klein, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. De même que le morpion peut se jouer sur une bouteille de Klein. Et que c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Bon. Juste pour quand même... faire souffler un peu tout le monde. Il faut rappeler que, comme souvent, la base, un peu, c'est que les matheux sont des flemmards. Hein. Donc, s'ils ont défini tous ces trucs-là, ou même cette science-là, c'est pour se simplifier la vie. Et donc, la topologie, ils se sont dit, bon, on va étudier que le truc qui nous paraît le plus simple, c'est-à-dire les trucs qui ne changent pas quand, justement, je modifie la taille de ma forme, je la déforme un peu et tout, je m'en fous. Je veux étudier ce qui ne change pas. Donc, typiquement, vraiment voir les différences importantes. Donc tout ça justement pour pas s'emmerder avec en expansion, avec ses ronds ou ses carrés, enfin je m'en fous quoi. Donc il y a un côté pragmatique, ouais, et flemmard dessus. Il y a un côté, moi je sais pas, j'aime bien raconter ça comme ça, dire par exemple, à partir du moment où on a un triangle, c'est un exemple comme ça que tout le monde connaît, on sait que la somme des angles fait 180 degrés, donc on a la famille des triangles qui se ressemblent absolument pas les uns les autres. On sait que n'importe quel triangle, bah, il a certaines propriétés, comme par exemple la somme des angles qui fait 180 degrés. Sauf s'il est sur une sphère. Comment ? Sauf s'il se trouve sur une sphère. Oui, oui, oui, bien sûr. Oui, oui, un triangle à plat. Mais voilà, c'est pour ça qu'on fait des familles d'objets qui ont une propriété en commun, quoi. Et finalement, quel que soit le chapitre des mathématiques, on met en commun des choses, des objets différents, en disant, mais ils ont une chose suffisamment... Enfin, ils ont des propriétés en commun qui permettent d'avoir des résultats qui sont vrais pour... toute une famille d'objets au lieu d'avoir un seul, quoi. Au lieu de faire un par un. Je sais pas si c'est très clair, mais... Oui, oui, c'est clair. C'est une tendance naturelle en maths, mais pas que en maths, d'ailleurs, en sciences d'une manière générale, de regrouper des choses qui se ressemblent pour gagner en efficacité, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Ok, on passe au plug. Ouais, ouais. On n'a pas un pitch, d'abord ? Ah, on a le pitch d'abord. Ouais. C'est d'abord le pitch, désolé. Mais alors, de toute façon, c'est Robin, donc le pitch, quoi. Le pitch. Alors, citation d'une personne que je ne nommerai pas, et elle a bien de la chance que je ne la nomme pas parce que je suis gentil. Une personne qui travaille au ministère de la Recherche, que j'ai entendu un jour dire à propos d'une méthode qu'elle trouvait mauvaise, « Ce serait aussi absurde que de tenter d'expliquer les mathématiques de façon théorique à des jeunes du 9-3. » Pour les personnes qui ne sauraient pas ce qu'est le 9-3, c'est le département 93, 93 donc pour les non-francophones. Le département numéro 93 de la France, c'est la Seine-Saint-Denis, et c'est ce qu'il est convenu d'appeler la banlieue, la vraie banlieue, celle des « wesh wesh, t'as vu, ouais ». Et donc, ces habitants, on sait bien, tout le monde en conviendra, n'ont pas le bon cadre, les bons neurones, la bonne culture pour pouvoir accéder comme nous à l'abstraction, à la pensée complexe. Enfin, du moins, pas directement, il va falloir quelques années quand même avant qu'ils puissent y accéder. Voilà, je pense envoyer le lien de l'émission de la semaine prochaine à cette personne qui m'avait fait énormément plaisir en disant ça, mais je pense qu'elle ne l'écoutera pas, malheureusement. Bref, la semaine prochaine, nous allons rencontrer des jeunes de Seine-Saint-Denis qui participent à un stage organisé par l'association Sciences Ouvertes. Et c'est un stage qui est organisé tous les ans pour des jeunes d'environ 15 ans. Et pendant 15 jours, au lieu de partir en vacances, ils viennent suivre des cours, des conférences, ils rencontrent des chercheurs, ils s'initient à la recherche en mathématiques en faisant des ateliers de recherche. Et ils viendront eux-mêmes la semaine prochaine, vendredi, nous parler de tout ça. Alors accrochez-vous parce que ça risque d'être un petit peu abstrait pour vous, surtout si vous êtes haut placé dans un ministère. Bon. Bravo. Ouais, non, mais c'est génial. Donc on va dans le 93, on embarque nos ordinateurs, les dessinateurs embarquent leurs crayons, tout ça, puis on fait une vraie soirée radio dessinée, sauf que c'est les enfants qui animent, c'est ça ? C'est ça. Et puis il faut prenez vos gilets pare-balles, hein, c'est le 93 quand même. Hein. On y accède avec une Kalachnikov, c'est ça ? C'est ça, bah ouais, c'est un peu dangereux quand même. Avec ton pitch, j'ai pensé à un truc. Alan, en Suisse, il y a des groupes de rap qui revendiquent comme ça le 93 ou des choses comme ça ? C'est pas les numéros de département, c'est les numéros, les codes postaux des villes ici. Si tu viens du 1020, t'es super cool. Si tu viens du 1000, je sais pas, 1003, t'es un gros bourge, quoi. Donc t'as des groupes qui commencent en disant 1020 représente. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. C'est marrant. Bah, c'est pour la traduction en Suisse, c'est vrai, t'as raison de te renseigner. Faudra adapter. Ouais, on ira en faire un. Si on survit à cette soirée radio dessinée, on ira en faire une dans une banlieue suisse une fois. Bon, oui, c'est cool. Donc attention quand même au changement de lieu, de jour et d'heure. Donc le prochain live ne sera pas mercredi prochain comme d'habitude, mais ce sera donc le vendredi 27 juin à 17h en direct de la fac de Bobigny, si on a survécu à la traversée. Comment on y accède d'ailleurs ? RER, tout ça ? Alors en fait, c'est pas super bien desservi, mais enfin ça va. C'est le métro et soit les pieds, soit le tram pour finir. D'accord. Voilà. Alors apparemment, il n'y a pas que les gens des ministères qui sont étranges. Les responsables de l'université apparemment sont un peu craintifs. Donc si vous avez envie de venir, dites-le nous et puis on leur signalera. Mais apparemment, il faut donner des noms à l'entrée. Voilà. Ils ont peur qu'on vienne tout casser, c'est ça ? Ouais, voilà. Moi, j'y suis déjà allé. J'ai jamais eu à montrer rien du tout, aucune carte, aucun. On m'a jamais rien demandé. Mais bon. Du coup, t'en as profité pour tout péter. Exactement. Ah. Bah, de toute façon. Non, alors comme l'avait dit, y a un animateur avec qui je travaille, puisque je travaille avec cette association-là pour d'autres projets. Il y avait un animateur avec qui je discutais, qui se trouve être noir, grand et noir. Et donc, il m'avait dit qu'il habitait lui-même dans un quartier où ça craignait un peu. Je lui ai dit, mais tu t'es déjà fait emmerder. Il m'a dit, mais attends, tu m'as bien regardé, c'est moi qui emmerde les autres. Voilà, donc non, nous, on casse rien, on n'a pas le profil, quoi. Ouais, c'est vrai, on peut toujours essayer. Bon, on sera sage, alors on va rien péter. D'ailleurs, t'as donné nos noms, c'est bon, on est blanchi, on peut y aller. Ouais, on pourra y aller. Mais s'il y a des gens qui veulent venir, franchement, venez, c'est une super bonne ambiance. Mais juste prévenez-nous avant. Que je donne votre nom. Si vous n'êtes pas fait piquer votre téléphone ou votre ordinateur. Arrête. Tu es en train de leur donner raison. Non, mais je trouve ça tellement drôle. Bon, bah magnifique. Bien d'y être. Ok, LJJ, tu connais la tradition, t'es venu avec une quote. Alors évidemment. Ah. Alors comme c'est en anglais et que j'ai aucune envie de parler en anglais, je te laisse la lire. As Albert Einstein once said to me, two things are infinite. The Universe and Human Stupidity, de Fritz Perls. Donc en français, Irène, tu nous l'as traduit ? Oui, alors comme disait Albert Einstein, il y a deux choses qui sont infinies, l'univers et la stupidité humaine. Voilà, donc c'est de Fritz Perls. Mais donc c'est vrai, Albert Einstein a vraiment dit ça ? Alors on ne sait pas si Albert Einstein l'a dit, par contre Fritz Perls dit que Albert Einstein l'a dit. Et les deux se connaissaient, donc c'est potentiellement une vraie citation de Einstein. Cependant, on peut penser que c'est pas forcément de lui, puisque Einstein, comme je l'ai dit tout à l'heure, il pensait que l'univers avait la forme de SO3, c'est-à-dire qu'il pensait que l'univers était fini. Mais d'ailleurs, je vois une continuité à celle-là. Il y a souvent marqué, d'ailleurs, au sujet de l'univers, je suis pas sûr, mais par contre, je suis bien sûr de la stupidité humaine. Hein. À celui-là, par contre, c'est pas dans les... Moi, c'est vrai que je la connaissais comme ça. Je connaissais deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise. Mais pour l'univers, je ne suis pas sûr. Oui, c'est ça, oui. Mais bon, les citations Ouais. On rappelle toujours la citation d'Einstein qui dit « Toutes les citations d'Einstein ne sont pas vraies », ou un truc comme ça. Surtout celles qu'on trouve sur l'Internet mondial. Ok, Fritz Perls, donc, pour ne pas passer pour l'inculte de service, je suis vite allé regarder sur Wikipédia. C'était donc un psychiatre et psychothérapeute allemand. C'est lui qui a créé la Gestalt-thérapie. Ah, d'accord, hein. D'accord. Super, merci LGJ. C'est bien, ces invités qui font leur devoir, qui arrivent avec une quote, tout ça. Ouais, et puis super sujet, hein, ça. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, LGJ, on a oublié de te demander où c'est qu'on te retrouve sur l'Internet mondial. Alors, vous me retrouvez donc sur mon blog, Churomanesco, Vachkiri et Intégrale Curviligne. Ah, donc il y a bel et bien au moins une personne dans cet univers qui arrive à le dire sans se casser la figure. Bravo. Et l'URL, c'est quoi? Donc c'est ljjdx.canalblog.com, mais en tapant Churomanesco Vachkiri, on me trouve facilement sur Google, ou en tapant LJJ. Et j'ai un Twitter, @LJJ. LJJ. Puis t'as ton vrai blog aussi. Ouais, parce que j'ai mon vrai blog que j'alimente une fois par an. Donc ça, c'est LJJDT, c'est ça, à la place de DX? Voilà, c'est la même URL, mais un changement de variable près. Et okay. J'ai aussi un Facebook, donc le Facebook sur Romanesco Vachkiri Intégrale Curviligne. Donc ça doit être ljjdx.facebook.com, quelque chose comme ça. D'accord. Bon, Chour Romanesco, Vachkiri, tout ça, on le connaît un petit peu, mais ce deuxième blog là que tu alimentes une fois par année, tu peux nous en dire un mot? Non, c'est mon premier blog, celui que j'ai ouvert quand j'étais lycéen. D'accord, mais tu viens de poster un truc récemment. Là, j'ai reposté un très bon article, un débriefing d'une émission de NRJ 12, parce que je voulais pas polluer mon blog Chour Romanesco avec ça. Donc du coup, je l'ai posté sur mon autre blog. Bon, vas-y, touche-en un mot quand même de cet article. Alors, en fait, il se trouve que l'émission, une émission sur NRJ 12 qui est passée la semaine prochaine, qui s'appelait « Les people passent le bac », a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal aux mathématiques, plus ou moins connues, qui passent quelque chose qui est censé ressembler au bac, mais en fait qui ressemble beaucoup plus à un espèce de brevet de seconde zone. Et donc dans cette émission, on posait des questions, et le niveau des questions, c'était des choses très très particulières. Donc par exemple, comment s'appelle l'opération dans laquelle il faut trouver la valeur de x? Donc la réponse attendue, c'est une équation, sauf qu'une équation, c'est pas du tout une opération, c'est pas vraiment où est-ce qu'ils sont allés chercher ça. Ou par exemple, quel théorème explique que dans un triangle, une droite parallèle à un côté forme un nouveau triangle? Alors, d'après NRJ 12, ça serait le théorème de Thalès. D'accord. Celui-là, c'est mon préféré, quoi. Ça veut tellement rien dire. Alors, j'ai aussi, quel est le théorème qui fonctionne sur un triangle rectangle? Voilà. Enfin, j'ai essayé de chercher pourquoi ils ont fait ça. Et en fait, mon explication à propos du théorème de Thalès, c'est qu'ils sont allés sur Wikipédia parce qu'ils voulaient une réponse, enfin, ils voulaient une question dont la réponse soit le théorème de Thalès. Comme ils n'avaient aucune idée de ce qu'était le théorème de Thalès, ils sont allés voir sur Wikipédia. Ils ont pris la première phrase, ils ont enlevé les mots qu'ils ne comprenaient pas dans la phrase, donc, c'est-à-dire le mot « semblable », qui en fait est central pour expliquer ce que c'est le théorème de Thalès. Comme ils ne comprenaient pas, ils l'ont enlevé, du coup ça a donné cette phrase qui ne veut rien dire. Ouais, c'est pas mal. Mais on précise quand même, parce que du coup, Nico nous a imposé de regarder un bout de cette émission. C'était vraiment un truc complètement débile, en fait, sans aucune espèce de vertu pédagogique. C'était des questions... Et même pas amusant, en plus, l'émission. Hein. Ouais, c'est ça. Mais clairement, les questions, au-delà de même la bonne volonté que tu leur prêtes quand même à t'aller sur Wikipédia, il y avait aussi une forte volonté de tourner les questions d'une manière à ce que les candidats, qui déjà sont pas très malins dans la majorité, et puissent, on soit sûr qu'ils aient l'air complètement cons, parce qu'on tourne les questions d'une manière où on ne trouve de toute façon pas la réponse. Mais en plus, malgré ça, l'émission, je l'ai regardée du coup du fait de cet excellent poste, mais je vous conseille plutôt de lire le poste de LJJ parce que l'émission a aucun intérêt. Ouais, t'as quand même dégagé la perle des perles, si j'ai bonne mémoire. Tu parles à qui là? À LJJ, tu t'en souviens? Alors c'est laquelle? Je sais plus, c'était une comparaison, mais il n'y avait qu'un seul... Il y en a plusieurs, mais il y en a une qui... Il y avait une question qui voulait rien dire, je crois. Ouais. Il y a quelle est la différence d'un développement mathématique? Ah oui, c'est ça. Ah, c'est merveilleux. J'aime. C'est ma préférée. Non, il y en avait une autre encore plus folle, je crois. Qui voulait mieux alors pour le coup rien dire. Bon, mais c'est peut-être celle-là en fait, t'as raison. Ouais. Bon, et donc... celle-là, t'avais pas la réponse en fait, LGJ. Enfin, à mon avis, la réponse qui était attendue, c'est que c'est une factorisation, parce qu'il voulait dire quel est le contraire d'un développement. Donc le contraire d'un développement, c'est une factorisation. D'accord. Mais quelle est la différence ? Ça n'a juste aucun sens. Sinon, il y a aussi quel est l'instrument qui permet de résoudre facilement des opérations ? La calculatrice. Bon, toutes ces perles donc et d'autres, c'est sur ljjdt.canalblog.com, l'autre blog d'LJJ. Et pour faire le lien avec la topologie, il y avait quand même une question justement où il y aurait pu avoir une sortie par le haut d'un candidat qui bien sûr n'est pas arrivé. C'était qu'est-ce que ça donne quand on dessine un cercle en volume ou un truc comme ça ? Et la réponse attendue était la sphère et LJJ aurait bien répondu un tore. C'est ça, hein, LJJ ? Oui, voilà. Enfin, après, ça veut rien dire, hein, donc est-ce que... On essaye de chercher de la bonne volonté là où il n'y en a pas, en fait. Tu voulais parler des plugs, Nico ? Ouais, donc bon, on a déjà fait un plug qui est l'émission de la semaine prochaine, vient des nombreux. Et puis, ben, on avait un autre plug, je te laisse faire, je crois que c'est en bleu. Ah ouais, ça concerne le CERN toujours. Donc les inscriptions sont lancées pour tout le monde maintenant. Donc ce sera le 23 août en Suisse, ce sera notre émission de la rentrée, début de cinquième saison en fanfare. C'est Xavier Durussel qui nous organise tout ça, enfin pas tout seul, il y a Julie, David Loureiro qui donne un coup de main, enfin il y a plein de monde quoi. C'est une initiative collective. Je crois que t'as le thème d'ailleurs, hein. Toi aussi t'as donné un coup de main, Nico, c'était pour... On a le thème mal formulé, mais en gros, le terme, ça va jouer autour de la science et ses petits, voire très gros objets, quoi. D'accord. Donc voilà, donc ce qu'on vous propose le 23 août, c'est une visite du CERN l'après-midi. Il n'y a pas beaucoup de places disponibles, du coup il faut vous inscrire, il faut nous contacter. Vous pouvez faire ça sur podcastscience@gmail.com, qui sera suivi d'une radio dessinée. Le soir. Donc maintenant qu'on a le thème, on va voir avec qui on fait ça. On verra si on arrive à inviter des gens du CERN ou si on prépare nous-mêmes des petits dossiers. C'est pas encore décidé, il y a encore rien de sûr. Par contre, on sait qu'on aura des dessinateurs. Attention, on en cherche encore. S'il y a des personnes capables de dessiner et intéressées par le sujet, bah, elles seront bien sûr les bienvenues pour venir illustrer nos petits dossiers. Donc là aussi, le plus simple, c'est de contacter Julie, podcastscience@gmail.com. Là-dessus, pour préciser un peu ce que tu disais, autant c'est sûr qu'on ne sait rien pour l'instant, à part donc ce thème où en gros on va parler un peu des outils du type le LHC assez démesuré dans un sens ou dans l'autre pour faire des découvertes. Par contre, on va sans doute quand même interviewer des gens du CERN parce qu'on va sur place et on sait qu'on aura des gens, donc on ne sait pas trop si on le fera en direct ou quoi, mais on essaiera quand même d'avoir des gens de là-bas. Et surtout, pour les dessinateurs potentiels, on va essayer, comme dans les autres radios dessinées, d'être relativement large au niveau des sujets, ce qui fait que vous ne devriez pas avoir trop de mal à dessiner, d'autant plus qu'il devrait y avoir peu de maths cette fois-ci, donc ça devrait être encore plus parlant, quoi. Ouais, encore que les maths, ça vous a bien inspiré dans la chatroom ce soir, il y a eu pas mal de dessins, vachement bien. Et voilà, donc, et si vous avez des idées de titres d'émission, n'hésitez pas à nous en envoyer, on est en brainstorm. Vous pouvez nous en envoyer. Ah ouais. Bah tiens, je suis pas allé voir. Il y a des bonnes idées. J'ai pas proposé encore. D'accord. J'ai essayé de tourner bien un truc du genre. Il n'y a pas que la taille qui compte, un truc comme ça. Ouais, c'est pas facile. Hein. Ok. Bon. Donc le 23 août 2014, tout bientôt. Les petits plats dans les grands. C'est pas mal aussi. On conclut. Bref, envoyez-nous des idées, quoi. On conclut. On conclut. Bon, mais bref, en tout cas, comme d'hab, que vous nous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés, inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de dons, de cadeaux, d'espaces topologiques, de dimensions 1, 2, 3 ou 4. Vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud. Putain, l'accent est merveilleux. bref, sur tout l'Internet mondial, merci encore à tous nos poditeurs et poditrices adorés d'être fidèles au poste chaque semaine. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, pas mercredi, mais vendredi, pour une émission spéciale avec un peu de radio dessinée, enfin pas exactement radio dessinée, mais l'émission spéciale à Bobigny. Et d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous, et que Servir la Science soit votre joie. À bientôt, ciao, ciao, et merci LJJ. Merci à vous. Salut.